Félicitations. Voilà ton cadeau de fin d'étude. Un cadeau, mais je me suis fait passer. Ça arrive à tout le monde. Mais t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien. Je croyais que tu serais Furax. Moi, mais je suis pas Furax, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de taureau comme un chef. Et t'as appris deux choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours admettre rien. Tu deviens tout rouge, t'as chaud. Tu te reconnais? C'est toi que je parle, balance. Tu me reconnais? T'es ton culé. On peut pas t'aimer. Tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? Tu deviens tout rouge, t'as chaud. Tu te reconnais? C'est toi que je parle, balance. Tu me reconnais? T'es ton culé. On peut pas t'aimer, tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? Tu parles gros, on devrait t'arracher la langue avec une grue et te la mettre directement dans le cul. Tu baves en plus, tu salis la couche d'ozone. Fais gaffe, t'es recherché dans ma zone. Passe-moi un marteau pour lui clouer son bec de lièvre. On t'expose tout nu au soleil et t'attrape la fièvre. Alors ta chaud s'est cramée, tout le monde sait t'a balancé. T'oses même plus te balader dans le quartier. T'es grillé, fiché, poucave, sur toi ça parle, y'a plus d'un contrat sur ton crâne. On a même parlé de toi à l'émission, tout le monde en parle. Alors t'es vert, t'as ouvert ton arrière. On sait plus comment le faire taire, t'es victime des feux secondaires. Et yo, faut pas violer la loi du silence. C'est gros, balance. Et nous du haut d'un pont, on te balance. Tu deviens tout rouge, t'as chaud. Tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance. Tu me reconnais, t'es ton culé. On peut pas t'aimer, tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? Tu deviens tout rouge, t'as chaud. Tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance. Tu me reconnais, t'es ton culé. On peut pas t'aimer, tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? T'étais vraiment mon pote, tu l'aurais pas fait, t'as gaffé. Au lieu de fermer tes dents, gros t'as bavé. On m'a dit pas sous les coups, mais face à la tôle. T'as perdu tes couilles, tu flippes du mitard et des embrouilles. Alors tu t'affoles, fais donc pas trop ta folle. Affrimé devant les halls, mec. Moi je rappelle les putes qui renseignent au deck. Si ton seul moyen de survie est de balance, ma devise est de balance. Toujours un high kick quand ça balance. Je t'ai fait manger, tu m'as fait plonger, petit fils de pute. Tu connais le code de la rue, petite langue de pute. En plus tu me connais, t'es chez toi. Parent ou pas, je te haggle. Je vais te faire mener une vie d'aloca dans mon local. Ces jours sans bouffer, sans boire ni péter. Tu cries dans le quartier, tout le monde sait que t'es une balance. Tu deviens tout rouge, t'as chaud. Tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance. Tu me reconnais, t'es ton culé. On peut pas t'aimer, tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? Donc mes potes font remonter par l'ADN les empreintes. T'as ces fils de pute qui jouent les shows, qui portent plainte aux amateurs, main courante, appel anonyme. J'imagine l'inspecteur a du mal à suivre à la machine. Tu frimes devant ta meuf, bluff ton équipe. Tu trahis ton baveux, devant les keufs, passe aux aveux. T'es qu'une balance, à jamais gravé dans nos mémoires. Une grosse balance, quand ton reflet apparaît dans le miroir. À ce qui paraît, tu descends même plus en promenade au placard. Hachem ta famille dans le checkard, tu te fais hagar. T'as plus qu'à trancher dans la droiture. Changer de voiture, devenir un traf, faire une teinture. On va se venger, ton cul va faire un tour de magie. Assis sur une bouteille et disparaître devant tous les mecs de la Tessie. Avec ton gros trou de balle, à travers ta bouche on peut voir par terre. Tellement tu peux pas taire, même les psys disent plus bonjour. Mais ta fiche qui t'oblige à faire un grand détour pour entrer, parce qu'on t'a mis une fiche. Fais ça sans vergogne avec mon chalance, balance. À chaque phrase on devrait scier une phalange. Tu tiens plus en place, peur d'avoir une équipe sur le dos. Si c'est le cas, pour t'en sortir faut que tu te surpasses. T'as le rap, si tu l'as fait c'est que tu vas le refaire. Trahir ton frère alors qu'il voulait se refaire, tu peux en être fier. Pas de saisie sans indique, nick. Les poucaves dans les histoires à 20 briques ou de la résine de canard. Quand je pense que tu faisais le canard pour qu'on te fasse qu'écro, maintenant tu veux nous carna, carba. Sous merde, t'es qu'une serpillière. C'est ta faute si des darons se font braquer à la première prière. T'aurais dû garder le silence, pour toi on bougera en silence. On aurait jamais dû te faire confiance, balance.